Chapitre 3e, le goût du téléphone. Paul Barre avait dit vrai. Cette affaire qui d'abord lui avait semblé banale, lui apparaissait maintenant mystérieuse. Bernard Lambert, comme il l'avait fort bien dit, n'était pas un naïf. L'amour des deux jeunes gens semblait réel. Pourtant, il avait bien vu Jeannine se pressant contre ce beau garçon qui lui tendait le bras. Où était la vérité? C'est précisément ce doute qu'il voulait éclaircir. Paul Barre aurait dû même, saisir de cette disparition le service spécial des recherches de disparus dans l'intérêt des familles à la préfecture de police. Mais il se laissa entraîner par l'amour, comme il l'avait dit, de son métier, pour suivre lui-même cette piste. Il agissait ainsi, en quelque sorte, pour son compte particulier, n'ayant reçu aucune mission officielle, n'importe. Et il commença d'abord par surveiller le métro Réaumur. Il chargea même son collaborateur, l'inspecteur Denizet, qui lui était adjoint, de cette surveillance. Il lui avait remis une photographie de Jeannine, mais la surveillance ne donna rien. Sans doute la jeune fille ne passerait-elle pas habituellement sur cette ligne. Ainsi sa mission devenait plus difficile. Lorsqu'un après-midi, Paul Barre ne passait jamais par la station Réaumur ou dans ses environs sans penser à Jeannine. Il n'avait pas revu Bernard Lambert et avait seulement reçu de lui un coup de téléphone auquel il devait répondre laconiquement « Rien de nouveau, attendons ». Or, ce jour-là, il revenait de son bureau et avait pris le métro à Saint-Michel. Il arrivait à la station Réaumur-Sébastopol. Une rame venant sans s'opposer était arrêtée en gare. Il vit nettement, monté dans la voiture de première classe de ce train, qui était en face de sa voiture à lui, la jeune fille brune, mince, élégante, Jeannine, enfin. Jeannine, sans aucun doute possible. Le jeune homme l'accompagnait encore, et Paul Barre fut frappé, en les voyant tous deux, l'un contre l'autre, de la sorte d'adoration qu'il eut dans leur double regard. Cette fois, pensa-t-il, comment ne pas croire à l'amour de la fugitive et de son compagnon? Le train avait démarré et s'éloignait. La scène n'avait duré qu'une seconde. Pour la deuxième fois, Paul Barre se trouvait tout près de Jeannine et dans l'absolue impossibilité de rien tenter pour l'approcher. Il la vit, une fois encore, disparaître, et peut-être pour toujours. Mais il avait son idée. Le soir même, il dit à son collaborateur, l'inspecteur Denizet, « Puisque nous ne pouvons pas aller à elle, c'est elle qui viendra à nous. » « Et comment cela, chef ?» Denizet appelait toujours Paul Barre chef, bien qu'il ne fût que simple inspecteur. Mais on n'attendait que la fin de son stage pour le promouvoir inspecteur principal, et officieusement il en remplissait les fonctions. Paul Barre d'ailleurs ne répondit pas, il n'eut qu'un geste évasif. Le lendemain, une note paraissait dans le grand journal. Prière instante à Jeannine de téléphoner sans faute à BL. Extrême urgence, nouvelle très grave, n'importe à quelle heure, mais au plus tôt. Et maintenant, mon vieux, dit-il à Denizet, nous prenons 2 jours de congé et de repos. Et si ça ne suffit pas, nous prendrons nos vacances. Il avait obtenu carte blanche, comme il obtenait toujours de ses chefs d'ailleurs théoriques, tout ce qu'il demandait. On savait que c'était dans l'intérêt du service. Paul Barre et Denizet s'installèrent donc chez Bernard, au poste téléphonique. Toute la journée se passa dans l'attente. Bernard était fébrile. Les deux inspecteurs grillaient tranquillement cigarette sur cigarette. Vers la fin de l'après-midi, la sonnerie retentit. Paul Barre prit l'écouteur et aussitôt il fit un geste vers Denizet qui bondit sur son chapeau et disparut. La voix était celle de Jeannine. Bernard, tremblant, se cramponnait à l'écouteur. Il crut défaillir en entendant la voix bien-aimée qui disait « Qu'on ne s'occupe plus de moi, que Bernard m'oublie. Mon Dieu !» s'écria Bernard. Il voulut s'emparer de l'appareil, mais Paul Barre le lui arracha. « Attendez, mademoiselle, attendez, quelque chose de très grave !» Et il se mit à lui parler, jetant des mots au hasard. Une nouvelle qui allait la stupéfier, une révélation qui était capitale, des événements susceptibles de bouleverser sa vie, un danger imminent pour quelqu'un qu'elle aimait et qui était la cause de sa fuite. Jeannine, qui d'abord avait semblé se retirer, était revenue à l'appareil. Paul Barre eut un bref sourire. Il continuait. « Ne quittez pas, je vais tout vous dire. Autrement, il est perdu. » La voix angoissée de Jeannine lui répondit. « Perdu, il est perdu. Oui, laissez-moi vous expliquer tout. » Et il parlait. Il baissait la voix. Alors Jeannine, à l'autre bout du fil, criait affolée. « Plus haut, je ne vous entends pas. » Paulbar regardait sa montre. « Au revoir, mademoiselle, » dit-il froidement, et raccrocha. Bernard s'était jeté sur lui. « Il fallait me passer l'appareil, je voulais lui dire. « Non, inutile. Maintenant, nous la tenons. » La sonnerie à nouveau retentit. « Laissez l'appareil, » ordonna Paulbar. « Cette fois, c'est pour moi. » Et flegmatique. « C'est vous, Denizet ? Je vous écoute, mon vieux. » Mais Bernard n'écoutait plus. Il allait affolé dans le bureau. Il était anéanti, méconnaissable. Il se laissa tomber dans un fauteuil, dans un état effrayant de prostration. « Elle ne m'aime plus. Elle ne m'aime plus. »« Bien, bien, très bien, » disait Paulbar au téléphone. Il se leva, prit son manteau, son chapeau, salua Bernard Lambert et gagna la porte. « Où allez-vous ? » s'écria l'ingénieur. Paulbar répondit tranquillement. « Voir Jeannine. »